Abdelmelikum, c'est encore nous, partiment de production. On est là encore pour vous divertir, chers amis, et partager les émotions. Voilà. Bon, qui est-ce qui fait un bon gain? Un peu de drain. Comment ça, on boit un drain et gain? Comment on veut le rack? Bugger choki. Amadou rien. Xam nga Amadou Wouri bo duggé ci salon coiffure bi ni fekk xam nga salon coiffure bi ni ay photo Jackie Chan affaire de mel. Bugger rack. Wa yow xama rek gain ben jour xam fu mu jot ak ben baynunke bi teego gaar askan teggu deureug ko ay deureug yu neex say gaan joge fa ay doom gaan dem commissariat barki la ci nan day porte plainte wa yow ñew brigadier bi dafa mu ne ko bëgguma man bëgguma gis brigadier awal ma sa patron sa chef commissaire man mom la bëgg gis ci bopam ak akul yalla ay ne akul yalla amul wuri jaram melna Amadou Wouri Diallo Amadou Wouri Diallo Amadou Wouri Diallo ñew commissaire ñew mune ko commissaire ubbil sa bic nga genné sa cartable nga bind mune ko commissaire bindal waji saga na ma papa saga ma yaay metti huma man Diallo waji met mbaj na ma ba sama ñenti bu ñuy wodd ci suuf ba mënatuma yeey be dara metti huma man Diallo waji pesete na ma kaata na ma kat jeunu ma college ma metti wu ma man Diallo mu épercute ma reprise ma yekati ma ba sama biir bi wek mu jox asaman ne bugguma suuf ne andil mu sande ci suuf metti wu ma man Diallo bay nunke bi korti na suma yere metti wu ma man Diallo zummi na sama zelip metti wu ma man Diallo jël na bara mam cham moñ bu gudd bi duggal ko sama biir tour metti wu ma man Diallo lima ci metti man Diallo mori bu ko ci dugale de ko yingal bobu mo metti commissaire man Diallo de ko yingal